Tu sais, ado. Hein? Quand tu me vois comme ça, tu me bouscules comme ça, je vais tomber. Pourquoi chercher à voir des histoires?